vu partir jusqu'à la caméra, veuillez me pardonner. Oh, écoutez, ceci, il est exactement, il est 7 h du matin et c'est un peu la suite de ce que je vous avais dit la dernière fois. Il est très important, une fois vous avez suivi le rituel habituel de boire vos 2 verres d'eau, comme je l'ai dit la dernière fois, 2 ou 3 verres d'eau au réveil et avec votre exercice. Avec votre exercice que je vous ai montré, l'exercice du yoga qui vous facilite donc les selles. Alors, vous devez cela. Bon, ceci, il me faut forcément une machine pour pouvoir écraser ça. Là, ce n'est plus le. Ce n'est plus le. Il me faut une autre machine, c'est celle qui me permet donc de pouvoir écraser ce qui est un peu plus doux. Ce qui est un peu plus doux. Bon, toute cette composante que je fais, en fait, à quoi ça sert? Là-dedans, j'ai du melon, j'ai pommes, il y a des pommes. Bien sûr, assurez-vous qu'il n'y a pas les graines dans ces pommes-là. Il y a, je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais ça, c'est quand vous souffrez, par exemple, man, what's the name? Man, le nom m'échappe en français. Et là, vous avez des carottes. Et j'ai également un peu du gingembre que j'ai mis là-dedans déjà. Nous avons, quand je dis nous, au niveau des États-Unis, nous avons des poudres. Voyez. Voilà, ça c'est le gingembre en poudre. C'est déjà là. Ceci. Et j'ai mis également du miel. C'est, rassurez-vous, ça c'est du miel sauvage. Tout est déjà fait. À quoi donc sert cette recette que je suis en train de faire? Cette recette, c'est tout simplement une recette qui vous permet de garder votre cœur en bonne santé, d'avoir un rythme cardiaque normal, donc le système cardiovasculaire le remettre à l'état normal. Et également, ceci, c'est pour le sang, donc ça vous permet de booster votre sang, de nettoyer votre sang. Vous savez le rôle de la carotte, bien sûr, et le rôle du gingembre. Il y a le zinc dedans, il y a le fer. Donc, en un mot, cette composition que je vais pouvoir consommer là, elle a seulement pour objectif de me permettre, avant de prendre des aliments quelconques dans mon corps. Là, je vous dis, il est 7 h, 7 h 5 minutes maintenant du matin, ici aux États-Unis. Donc, avant de pouvoir consommer celle-ci, bien sûr, j'ai une multitude de machines. Ce n'est pas évident que vous allez faire ceci. Par exemple, au cas des carottes, là, je suis obligé d'utiliser la machine. J'ai des machines qui servent à extracteurs de jus. J'ai également des extracteurs d'aliments. J'ai des extracteurs de nutriments. Donc, c'est toute une série de machines que j'ai détenues là. Je ne vais pas toutes les exhiber. Là, déjà, vous voyez, il y a 2 que je venais de vous exhiber. Il y a une autre. Vous voyez, là, vous voyez, ça, c'est une autre machine. Donc, j'ai près de 4 ma différentes machines. Elle joue un rôle très important pour. Elle joue un rôle très important pour la santé. La santé, ce n'est pas forcément les médicaments. La santé, c'est tout ce qui sort de la mère nature. C'est cela, ce qu'on appelle la santé. Donc, il est très important. Voilà. Donc, ça, c'est un boosting général. Ça va vous nettoyer et ça va permettre. Ça va nettoyer les cellules du corps. D'accord? Ça va vous nettoyer les cellules du corps. Ça va permettre également de perdre du poids. Ça va permettre de garder votre taille. Ça vous permet également de maintenir votre prostate, donc d'éliminer l'élargissement de votre prostate. très important. Abonner le bruit. Voilà, ça c'est. Ça sert à casser. Ça sert à casser tous les fruits ou aliments qui sont très durs. Donc là, je peux tranquillement pouvoir les extraire. Donc, tout y est déjà fait. Et alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour celles qui sont déjà cassées là? Je vais tout simplement prendre le jus, mélanger le tout et refaire, mélanger le tout. Vous voyez, tout est là-dedans. Maintenant, la dernière phase, c'est une phase tout simplement de la composante finale. Donc, la composante finale, c'est tout simplement mettre le tout ici. Voilà. Voilà ce que je fais. Je transfère le tout. Voilà. Tout est transféré. Et je fais des pressions. Je fais la pression sur tout ceci. Voilà. Tout est fait. Donc à la fin, voilà mon jus que j'ai obtenu. Et tout est prêt. Donc, voilà. Ceci, même, ça c'est un demi-verre. L'essentiel, c'est d'avoir un demi-verre ou un verre plein. Quand vous buvez ceci, ça va agir. Souvenez-vous des vitamines là que je vous avais montré, comment ça s'appelle, hein, le Total Health. Total Health. D'accord? Et ce Total Health, donc, ce sont les vitamines, les oligo-éléments et tout ça. Ce sont les oligo-éléments, là. Donc, ça joue le même rôle. Mais la différence qu'ici, puisque, bon, écoutez, si vous avez un peu plus de moyens, toutes ces composantes que je viens de mélanger, c'est l'équivalent à peu près de 40 000 francs CFA. Hein? C'est 40 000 francs CFA. Je viens d'acheter ces fruits-là. Bon, maintenant, je peux les consommer. Alors, ceci étant fait, qu'est-ce que vous faites la suite? Ben, je vous avais dit que, une fois que vous avez consommé ceci, oulala, je sens que ça est rentré dans toutes les cellules de mon corps. Mon Dieu, quel bienfait! Une fois que vous avez fait cela, ben voilà, je vous avais dit que vous attendez au moins 30 minutes ou une heure. Vous prenez le céréal. Et comme vous le constatez, c'est écrit organique. Donc, tout est bio. Et ceci également est bio. Ça, c'est bio également. C'est du lait. Mais du lait à base des plantes, à base des amandes. Moi, je ne prends pas de lait d'animaux. Donc, là, je vais le préparer tout à l'heure également. Et puis, voilà, je peux sortir. Et quand je sors, je m'occupe de mes activités de la journée. Je vous rassure que toute la composante que je viens de faire, c'est bon pour votre cerveau également. Ça vous permet de bien vous concentrer et tout. Ça vous permet d'avoir la force. Ça vous permet d'être au top. Parce que là, entre 5h et 7h, je fais mes trucs d'arts martiaux, je fais mon yoga, je fais la méditation. Et là, je viens enchaîner tout à l'heure avec ces fruits-là. Et puis voilà, après ce sera ceci que je vais consommer. Maintenant, entre 13h et 15h, je vais prendre un repas complet. Et ce repas complet, je ne peux pas vous le cacher. J'ai déjà les éléments. Donc là, j'ai du poisson saumon. C'est du poisson frais saumon. Ça coûte très cher ici aux États-Unis. Qui n'est pas élevé. Ça, on le prend à Alaska. Donc ça, on l'attrape complètement à la chute des eaux des rivières vers l'océan. Là, je vais donc préparer ça avec les épinards, avec d'autres recettes, ainsi de suite. Juste pour maintenir la forme. Donc ça, je vais manger. Ce sera mon repas plein pour les protéines. Ça, j'en ai besoin. Ici, ces mélanges que je prends, en plus les céréales et tout, c'est juste pour les vitamines, juste pour renforcer le système immunitaire. Et en un mot, je vous l'ai dit, le verre que je viens de prendre, c'est une forme de médecine. Donc, retenez que c'est le premier élément que vous mettez dans votre ventre. C'est ça qui va déterminer votre santé pour le reste de la journée. Donc, je répète que les premiers éléments ou nutriments que vous mettez dans votre ventre, dans votre corps, et surtout, là, mon ventre était à sec, en dehors les 3 verres d'eau que j'ai bu dès que je posais mon pied droit par terre. Posez d'abord le pied droit par terre. Donc, une fois ceci est fait, je fais mes techniques de méditation, je fais le yoga. C'est, pour ceux qui veulent savoir, c'est le Hatha Yoga et le Pranayama Yoga. Donc, une fois j'ai fait mon Pranayama Yoga et le Hatha Yoga, je prends une longue méditation, maximum 1 heure, et puis à 7 heures, voilà, je suis descendu là, je suis descendu à la cuisine. Là, il est 7 heures du matin. Et puis voilà, je prie mon verre, un composite de près de 7 différents fruits, ok? 7 différents fruits. Et après, j'ai une pause de 30 à 45 minutes. Le temps pour moi d'examiner tout ce que j'ai à faire dans la journée là, parce que là, je parle de mon travail personnel, donc je suis dans les bourses. Je vais surveiller le mouvement des bourses là pendant au moins 3 ou 4 heures. Mais avant cela, je vais pouvoir me servir de mes céréales et le lait. Et puis voilà. Et puis, entre midi et 13 heures, ben, voilà, je vais préparer là, le saumon frais, le poisson qu'on appelle le saumon. Et puis, voilà la journée. Donc, je ne vous demande pas d'être à 100% parfait comme moi. Enfin, je veux dire parfait dans les exigences nutriennes ou dans les exigences alimentaires. Mais faites l'effort d'éliminer au maximum les viandes de bœuf. Faites au maximum d'éliminer les viandes congelées. Faites le maximum de boire beaucoup d'eau le matin. Et vous verrez, vous garderez toujours votre corps très plat. Ok? Ceux qui ont vu mes photos sur Facebook, vous voyez, je gardais le même corps jusqu'à présent. Et ces photos datent de 1990-91. Et ceux qui m'ont connu au lycée technique, j'ai toujours gardé le même corps. J'ai des amis qui font du yoga, mais qui ont des gros ventres. Mais pourquoi j'insiste beaucoup sur le ventre? Parce que quand vous atteignez un certain âge, à partir de 40 ans, 50 ans, 60 ans, lorsque vous avez trop de graisse au niveau de votre ventre, ce qu'on appelle ici la ceinture, vous voyez? La ceinture au niveau d'ici. Regardez bien. Ici, il y a ce qu'on appelle la ceinture abdominale. C'est cette ceinture qui permet votre pénis de se mettre en érection. Or, si cette ceinture-là, à cause du poids de graisse au niveau de l'estomac, vous avez maintenant un gros ventre, ben, vos performances vont être faibles. Hein? Ça, je vous en prie. Par contre, quand vous êtes encore un peu jeune, ça va. Mais je vous dis, dès l'âge de 40 ans, ça va décliner. Voilà pourquoi j'insiste que buvez beaucoup d'eau très tôt le matin. Cette eau va vous aider à éliminer le taux de graisse. Et n'oubliez pas l'exercice que je vous avais montré la dernière fois, où il faut vous mettre carrément à même le sol. Votre fessier doit toucher le sol. Et vous faites ces exercices d'étirement là. Je vous ai montré la dernière fois, je peux revenir dessus. Et effectivement, j'ai une vidéo yoga, quelques exercices de yoga sur ma chaîne YouTube que vous pouvez suivre. Donc, voilà un tout petit peu comment la journée elle est faite pour votre humble serviteur. Que Tétamwangali Banga Banga vous bénisse. Merci encore. Merci une fois de plus. Merci de m'avoir suivi. Merci.